Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 17 janvier 1793. Eh oui, encore au cœur de la Révolution française comme avant-hier, la Convention nationale est en train de juger Louis XVI. Deux jours plus tôt, le mardi 15 janvier 1993, on avait commencé à appeler les députés un à un, département par département, en commençant par la lettre G tirée au sort, et les députés avaient eu à se prononcer devant tous, à haute voix, sur les deux premières questions. 1. Louis Capet, comme ça qu'on l'appelait, est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentats contre la sûreté générale de l'État, oui ou non? Et 2. Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple, oui ou non? Ce à quoi les députés ont répondu. Oui à la première question, une écrasante majorité, donc coupable. Non à la seconde. C'est le pire cas de figure que les défenseurs de l'ancien roi pouvaient craindre, puisque Louis est jugé coupable, mais qu'on ne pourra pas compter sur un vote des Français pour l'absoudre. Alors justement, ce verdict, quel est-il? Alors, l'objet d'un troisième vote public d'abord. On est là le soir du mercredi 16 janvier jusqu'au soir du jeudi 17, hein, parce qu'il faut... défiler l'un après l'autre à la tribune. La question numéro 3 est ainsi rédigée. Quelle peine sera infligée à Louis? 361 députés votent la mort sans condition. C'est exactement le nombre de la majorité absolue. 70 autres ont voté la mort avec amendement ou sursis. Louis XVI sera-t-il guillotiné? Eh bien, évidemment, la possibilité d'un sursis, quatrième question ayant été rejetée. 380 contre 310, l'exécution aura lieu. C'est un des événements, vous le savez, les plus marquants de l'histoire de France. Et cette exécution, elle aura lieu sur la place dite de la Révolution, devenue depuis place de la Concorde, tout un symbole, le lundi 21 janvier. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée à Charlotte, Anne et Émilie Brontë, les femmes écrivains dans l'Angleterre victorienne.